Ok. Chante l'amour depuis que j'ai vu la haine. Chante la joie depuis que j'ai vu la peine. Tu me connais, chante la sincérité. J'suis pas un saint, j'veux juste voir les gens les plus mal sincérité. Chante la réalité. Depuis que le vrai s'épuise et plus que le faux s'est épuisé dans l'actualité. J'ai compris la beauté depuis que j'ai vu l'immonde. Et c'est l'actualité de rapper contre le monde. Alors chante l'équilibre depuis que j'ai vu l'inégalité. Je chante l'argent propre depuis que j'ai vu l'illégalité. Je chante l'écoute depuis que les émeutes ont montré jusqu'où peut aller la frustration de ne pas être entendu. Alors chante le beau temps depuis l'averse. Chante la tolérance depuis que j'ai vu l'inverse. J'ai longtemps cru que la force ferait l'affaire. Maintenant chante le savoir depuis que je connais le camp adverse. C'est mon combat. La paix depuis que j'ai vu la guerre. Chante la conscience depuis que j'ai vu des gens la perdre. L'ennemi de l'homme c'est l'homme. Chante le dialogue depuis que co-communauté et violence font la paire. Depuis que j'ai vu le racisme, chante la mixité. Chante l'égalité des chances depuis la vie de cité. Depuis les discriminations, chante le CV anonyme. Depuis des HLM qui brûlent, je veux des explications. Chante la clarté depuis les discours politiques. Chante la franchise depuis que le mensonge est prolifique. Vincent Auriol, le gymnase à Cachan. Chante la responsabilité contre les vies. Qui est responsable qui? Allez mains sales qui? Dis-moi qui fait des drogues qui méritent une pastille. Je demande des comptes dans un monde de cons. Mais mon goût pour la provoque n'est qu'un parpaing dans le pare-brise. C'est mon combat. Le partage depuis les clans, le barbac depuis les bancs, le cartable depuis que j'ai vu la vie des grands. Chante les cartades depuis l'apartheid, je crois plus TF1. Chante ma fenêtre depuis que j'ai vu les grands, depuis que j'ai vu les guettes. Chante l'antitap, chante le mouvement depuis que j'ai vu l'handicap. Tu captes, chante les faibles, chante les forts depuis que j'ai vu la flemme, moi chante les forts. Chante ma vie depuis que j'ai vu la mort, celle de grand-mère, celle de grand-père, celle de tonton Marcel, celle de grand-mère Bobo, celle de tonton Mustapha. Peu importe les remèdes contre un tel blues, t'as pas. Chante le message, c'est mon combat. Ma plume tourne autour des choses de la vie, c'est mon combat. Et si tu me compares, tu verras que je vais à l'essentiel quand les autres parlent de choses qui me comptent pas. C'est mon combat.